Chapitre 19e. Plaignez, belle dame, plaignez un jeune homme à qui l'on ne peut reprocher que son excessif amour pour vous. Par quel temps et dans quel costume il est réduit à faire, de jardin en jardin, la plus pénible des promenades. Celle-ci dura plus longtemps que je n'aurais voulu, car je me vis, au bout du vaste enclos des magnétiseurs, arrêté par une grille qui le fermait. Aussitôt je pris mon parti, j'empoignai joyeusement mon épée, et d'estoc et de taille, je me mis à espadonner contre les barreaux, de manière à tout renverser s'il était possible. Au vacarme que je faisais, un matin aboya. Un homme accourut qui m'ouvrit la grille. « En voilà encore un !» s'écria-t-il, « comme il est fagoté. Que vêtements pour l'hiver ! Épiste fine lame ! Ne dirait-on pas qu'il veut tuer des mouches dans les mois de novembre ?» Mais que rage les poustres toutes vouloir dormir debout, comme si nos ancêtres qu'avaient 100 fois pu d'idée que nous n'avons inventorié les lits pour qu'on s'y couchisse dedans. Allez, monsieur le préambule, remontez-vous dans le dortoir et laissez tout du moins le repos de la nuit à un pauvre portier, que vous persécutissez tout le temps la sainte journée du bon Dieu. Je vous le demande de votre grâce, monsieur le somnambuleb. Allez vous coucher avec tous ces autres. Non, pas par là. Tenez donc par ici. » Je ne savais si je devais répondre, quand une femme furieuse vint à nous. Elle saisit mon conducteur en l'entraînant avec elle. « Bargain, lui dit-elle, t'es ben de ton pays, toi. N'as-tu pas peur qu'il ne trouve pas l'escalier sans chandelle, hein? Que bêtise, que de baliverne! Il n'y en a pas un, bat ces chiens de cornambule qui ne fera jamais le cadio de se rompre les yeux. » Elle avait raison, la femme. Sans me casser le col, je trouvais l'escalier. Je cherchais le dortoir, bien impatient de découvrir quelques coins solitaires et commodes où je pusse me sécher et me réchauffer. J'allais toujours furetant jusqu'au second étage où, dans une immense salle, éclairée par des lanternes, une porte entrebâillée me laissa voir beaucoup de lits rangés à la file et aucun ne paraissait vide. Cependant, j'en découvris un qu'il était. Tant de besoins si pressants me faisaient la loi de l'aller occuper que je me glissais doucement jusqu'à lui. Là, je me dépouillais promptement du vêtement nécessaire, il était tout mouillé, mais comme je n'oubliais pas qu'il renfermait mon trésor, je pris la sage précaution de le cacher sous mon chevet, près duquel je mis mon épée. Ensuite, j'ôtai vite et je posai sur une chaise ma chemise imprégnée de neige fondue. Avec un des coins du drap, j'essuyai mon individu déjà presque inondé, et tout nu que j'étais, je m'étendis délicieusement sur 2 mauvais matelas, plus content que quand j'entrais dans le superbe lit du vicomte de Valbrun. Tant est vrai le vulgaire adage qui tous les jours nous dit « Le plaisir vient de la douleur ». Oui, mais souvent, quand le moment de la plus vive douleur est passé, la foule des douleurs plus petites ne tarde pas à vous assiéger, et le plaisir est promptement détruit. Dès qu'une chaleur progressive eut ranimé mon sang, dès que je pus remuer sans angoisse mes membres un peu dégourdis, les inquiétudes de l'esprit succédèrent aux fatigues du corps. Je considérais avec effroi la foule des dangers qui m'environnaient. Sans doute, poursuivi au dehors, peut-être menacé au dedans, qu'allais-je devenir? Je n'ignorais pas dans quelle espèce de maison mon destin m'avait conduit et quels gens extraordinaires la peuplaient. Mais comment y rester? Comment en sortir? Surtout, comment satisfaire ce vif appétit, un moment oublié pendant mes plus grandes anxiétés, mais à présent revenu pour me crier sans relâche, qu'après les fatigues d'un voyage et d'une courte nuit, je n'ai pris dans la journée qu'une tasse de chocolat. Oh, ma Sophie, sans doute je dois des larmes à ton sort. Tu gémis, séparée de l'objet de ta tendresse. Mais au moins, elle t'est connue, la prison dans laquelle tu languis. Mais au moins, tu ne manques en m'attendant ni de vivres ni de vêtements. Il est bien plus à plaindre, ton malheureux époux. Le moyen que sans nourriture il se conserve pour toi, le moyen qu'il aille te rejoindre sans linge, sans habits, sans souliers. Je demeurais livré à ces réflexions désolantes lorsque plusieurs personnes, étant brusquement entrées, s'approchèrent de mon lit qui fut aussitôt environné. Que faire en ce péril extrême? Puisqu'il n'y avait pas moyen de fuir, je pris le parti de fermer les yeux et de paraître plongé dans un profond sommeil dont les douceurs étaient bien loin de moi. Figurez-vous quelle peur je dus avoir quand, pour m'examiner de plus près, on me mit une lumière devant les yeux. Figurez-vous quel fut mon étonnement quand j'entendis mes quatre observateurs tranquillement dialoguer ainsi. « Je ne le connais pas, ni moi, ni moi, ni moi, ni moi, » dit-elle. « Mais attendez donc, si fait, si fait, je sais ce que c'est, un nouveau venu. » « De ce soir ?»« Oui. » « Tant mieux. Il n'a pas mauvaise mine. »« Pas du tout. » »« Bien, très bien. Un peu fatigué, pourtant. »« Cela n'est pas étonnant. Vous l'avez mis au baquet, madame. »« Oui, » répondit-elle. « C'est cela, le baquet, la diète. »« Sans doute, sans doute. »« Son sommeil est-il bien naturel ?»« Il n'y a qu'à lui demander. »« Soit, parlez-lui. »« Mon cher enfant, » dit-elle, « dormez-vous bien ?» Il ne répond pas. « Faites-lui une autre question, madame. »« Jeune homme, » reprit-elle, « pourquoi êtes-vous venu ici ?»« Allons, il ne dira mot. »« Eh bien, faisons-lui l'opération, madame. »« C'est mon avis. »« Et le mien. »« Et le mien. »« Et le mien. » À ce mot « opération », je frissonnais. Une sueur froide me prit quand je sentis qu'on levait ma couverture. « Eh mon Dieu !» s'écria-t-elle en la rejetant aussitôt. « Il est tout nu !» « Il est tout nu, » répétèrent-ils. « Tenez, sur cette chaise, sa chemise, toute mouillée, trempée, comme si on l'avait mise dans l'eau. »« Oui, ma foi, tant mieux, c'est qu'il a transpiré. » »« Effet d'une crise. »« Crise très heureuse. » »« Sans eau, il avait une fièvre inflammatoire. »« Putride. » »« Ou une apoplexie. » »« Ou une catalepsie. » »« Ou une paralysie de poitrine. » »« Ou une sciatique dans la tête. » Et il courait grand danger. Et il était perdu. Oh oui, il serait mort. Il serait mort. Pendant plus d'une minute, tandis que je commençais à me rassurer, ils répétèrent en chœur que je serais mort. L'un d'eux interrompit le funèbre chorus pour dire « C'est pourtant à vous, madame, qu'appartient l'honneur de cette cure. » « En vérité, je le crois, » répondit-elle. « Puisque cela va si bien, que ne recommencez-vous » répliqua-t-il. Elle lui répondit, « Très volontiers, mais faites-lui donc donner une chemise. » Après qu'on m'eut passé la chemise aussitôt apportée, on me posa sur mon lit, de manière que mes deux pieds, qui d'abord restaient pendants, furent ensuite supportés par le premier bâton d'une chaise, sur laquelle il me parut que s'était assise la dame que l'on venait de prier de se mettre en rapport. Elle le fit à l'instant même. Elle serra mes deux jambes dans les deux siennes, promena doucement sur plusieurs parties de mon corps sa main que je trouvais familière, et d'une façon tout à fait gentille, frotta avec ses deux pouces les deux mains. Trop prudent pour témoigner combien cette opération de nouvelle espèce était de mon goût, je feignis toujours de dormir. « Voilà, dit quelqu'un, un sommeil bien opiniâtre. « Oui, qui tient de la léthargie. Tant mieux, il produira plus sûrement le somnambulisme. Sachons donc s'il parlerait maintenant. » « Madame, voulez-vous bien l'interroger ?»« Beau jeune homme, » me dit-elle, « le magnétisme agit-il sur vous ?» Je ne répondis pas un mot, mais je trouvais la question presque impertinente. Me demander si le magnétisme agissait sur moi dont l'imagination si promptement s'allume, dont le sang s'enflamme si aisément. Espiègle femelle, qui me faisiez cette interpellation maligne, « Sûrement vous ne l'ignoriez pas qu'il agissait sur moi, le magnétisme. Sûrement, du coin de l'œil, vous aperceviez son effet le moins équivoque, car tout à coup vous cessâtes vos chatouilleux attouchements et d'un ton triomphant vous dites à ceux qui vous entouraient. « Messieurs, sous 8 jours au plus tard, je vous garantis ce jeune homme-là radicalement guéri. » « Il y a plus. Je reviendrai le questionner dans un quart d'heure et je vous certifie qu'il sera déjà somnambule et qu'il me répondra. » Dès que les médecins se furent éloignés de mon lit, je me hâtai d'ouvrir les yeux pour examiner la jeune dame qui, tout à l'heure, avant de me quitter, m'avait, ce me semble, un peu serré la main. Sa voix ne m'était pas inconnue, mais je ne pouvais me dire où j'avais été frappé de ses 12 accents. Malheureusement, la dame me tournait le dos quand je la regardais, mais il me sembla que j'avais vu quelque part cette taille élégante et svelte qui déjà m'enchantait. Je la suivais toujours des yeux, quand on vint lui annoncer que Madame Robin demandait à la voir. Elle ordonna qu'on la fît monter, et puis elle dit à ceux qui l'entouraient, « Messieurs, Madame Robin est une brave femme. Il y a tout lieu de croire que c'est elle qui nous a envoyé ce soir cette belle dinde aux truffes dont nous nous régalerons demain. » « Une dinde aux truffes, Hélas, j'entendais parler d'une dinde aux truffes, tandis qu'avec tant de plaisir, je me serais accommodé d'un bon morceau de pain sec. « Bonsoir, madame Robin, » lui dit-elle. L'autre répondit, « Votre très humble servante, madame Leblanc. »« Vous venez, madame Robin, pour voir la fille chérie ?»« Oui, madame. »« Eh bien, passons dans ce cabinet. » Ce cabinet était en face de mon lit. On en laissa la porte ouverte. J'écoutais et j'entendis, « Jeune Robin, dormez-vous ?» Elle répondit d'une voix basse et d'un ton mystérieux, « Oui. »« Cependant, vous parlez ?» Parce que je suis somnambule. Qui vous a initié? La prophétesse madame Leblanc et le docteur Davot. Quel est votre mal? L'hydropisie. Le remède? Un mari. Un mari pour l'hydropisie? Dit la mère Robin. Oui, madame, un mari. La somnambule a raison. Un mari avant 15 jours, reprit mademoiselle Robin, car si je reste fille plus longtemps, je suis perdue. Un mari qui soit capable de l'être. J'en connais qui n'en aurait que le nom. Point de ces vieux garçons, maigres, secs, décharnés, édentés, rabougris, vilains, crasseux, infirmes, grondeurs, sots et boiteux. Boiteux ? Interrompit madame Robin. Ah, cependant, il boite ce brave monsieur Riflard qui la demande. Paix donc, madame Robin, s'écria quelqu'un. Tant que la somnambule parle, il faut écouter sans rien dire. Fille de ces gens-là, reprit mademoiselle Robin. Ils n'ont d'autre mérite que de prendre une fille sans dot. Ils font trembler une pauvre vierge dès qu'ils parlent de l'épouser. Ah, pourtant, paix donc, madame. Mais un jeune homme de 27 ans, tout au plus, cheveux bruns, peau blanche, œil noir, bouche vermeille, barbe bleue, visage rond, figure pleine, 5 pieds 7 pouces, bien taillé, bien portant, alerte et gai. Ah, dit madame Robin, c'est tout le portrait du fils de notre cousin, monsieur Tubeuf. Un pauvre diable. Ah, mon enfant, que n'ai-je de la fortune pour t'établir ? Tout d'un coup, au bruit de plusieurs chutes, prolongées, il se fit un profond silence. Silence, dit madame Leblanc. Le dieu du magnétisme m'a saisi. Il me brûle, il m'inspire. Je lis dans le passé, dans le présent, dans l'avenir. Silence. Je vois dans le passé que la mère Robin nous a envoyé ce soir une dinde aux truffes. Cela est vrai, répondit-elle. Paix donc, madame, lui dit quelqu'un. Je vois qu'il y a 15 jours, elle voulait marier sa fille au vieux Riffard, qui est infirme, grondeur et boiteux. Un bien aimable homme, cependant. Paix donc, madame Robin. Je vois que la fille Robin a distingué le jeune Tubeuf, 5 pieds 7 pouces, bien taillé, bien portant, alerte et gai. Oui, mais si pauvre, si pauvre. Paix donc, madame Robin. Je vois dans le présent que la mère Robin tient caché au fond de l'un des tiroirs de sa grande armoire 500 doubles. Mon Dieu, 500 doubles, n'achevez pas. 500 doubles louis en 20 rouleaux. Pourquoi l'avoir dit? Mais paix donc, madame Robin. Je vois dans l'avenir que si la mère Robin ne dispose pas sous 15 jours de 8 rouleaux, 8 rouleaux? Paix donc, madame Robin. De 8 rouleaux au moins pour l'établissement de sa fille avec le fils du voisin Tubeuf, je vois... L'avenir m'épouvante. Pauvre Robin, fille et mère, couple infortuné, que je vous plains. On ouvrira l'armoire de la mère, le cœur de la fille se sera ouvert. On ravira l'argent de la mère, on aura ravi l'honneur de la fille. La mère mourra de chagrin d'avoir été volée. La fille, désespérée, ira dans un pays étranger accoucher d'un garçon. Ah ! S'écria madame Robin, saisie d'épouvante. Je la marierai. Je la marierai la semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine, elle épousera ce coquin de Tubeuf. Madame Robin, ainsi déterminée, s'en alla, et l'un des docteurs la reconduisit poliment. Je suis sûr que madame Robin était à peine au bas de l'escalier, quand madame Leblanc dit au docteur de retourner à mon lit. À leur approche, je me hâtai, comme la première fois, de fermer les yeux. Bientôt la prophétesse accourut, commanda le silence, et d'une voix renforcée rendit l'oracle effrayant. Quelle puissance supérieure me transporte au-dessus des nuages! Je plane dans l'immensité des cieux, mon regard parcourt l'univers, ma vaste science embrasse les siècles écoulés, le moment qui passe est l'éternité. Je vois dans le passé que l'adolescent ici couché fut toujours un petit libertin de bonne compagnie, que non content d'avoir en même temps une belle dame et une jolie demoiselle, il a encore osé, dans une rencontre assez singulière, souffler une aimable nymphe à monsieur le baron, son très honoré père. Je vois dans le présent que cet enfant gâté s'appelle de Blasphaux. Je vois dans l'avenir qu'il ne sera pas longtemps malade et que tout à l'heure il va me répondre et somnambuliser. À mon véritable nom, que disait la prophétesse, en le déguisant par la simple transposition des deux syllabes qui le composent, l'histoire de mes amours qu'elle me racontait en abrégé, surtout à l'anecdote secrète qu'elle me rappelait malignement, je reconnus enfin, savez-vous qui ? Non ? Eh bien, je ne veux pas vous le dire encore. Il me plaît qu'auparavant vous écoutiez les réponses que je vais faire aux questions de madame Leblanc. Beau jeune homme, dormez-vous ? Oui, mais je parle parce que je suis somnambule. Qui vous a initié ? La plus aimable des femmes, celle dont je tiens la jolie main, la prophétesse. Quelle est votre maladie ? Ce matin, c'était épuisement et dégoût excessif. Ce soir, au contraire, il y a pléthore et faim dévorante. Que faut-il faire à cela ? Me donner le plus tôt possible une bouteille de Perpignan et un morceau de dinde aux truffes. Ah ah ! Et cela dans l'appartement de la prophétesse, qui voudra bien lui accorder un entretien particulier. Ah ah ! Je lui révélerai maintes choses essentielles à la propagation du magnétisme. Ah ah ! La prophétesse achève sa tournée dans le dortoir. Bientôt elle descend chez elle et m'envoie chercher. Il est inutile de dire que je mets le vêtement nécessaire et que je laisse mon épée. « Et bonsoir, mon aimable beau-fils. »« Et bonsoir, ma charmante belle-mère. »« Phoblas, dis-moi donc quelle aventure. »« Conte-moi, Coralie, par quelle métamorphose. »« Monsieur, je suis marié. »« Je suis marié, madame. »« Mais cet événement-ci me fait trembler pour l'honneur de monsieur Leblanc. »« Mais, oh, ma Sophie, je crains bien de succomber à l'occasion. »« Tiens, mon joli garçon, franchement, tu arrives à propos, car un époux est une sotte chose et j'ai besoin d'un amoureux. Tiens, Coralie, je te trouve fort heureusement, car la rencontre d'une jolie femme ne peut jamais me déplaire, et puis j'ai besoin d'un asile, d'un habit et d'un souper. » Madame Leblanc me fit donner une robe de chambre et commanda qu'on me servît. On m'apporta la bouteille si nécessaire et la volaille tant désirée. Je bus avec l'empressement du musicien le plus sobre, qui depuis 3 heures d'horloge concertant sans relâche en bonne maison, n'a pas trouvé le moment de se rafraîchir. Je mangeai avec la constante avidité de tel maigre auteur, qui tous les lundis sans faute, admis à la table de tel gros libraire, y dîne périodiquement pour le reste de la semaine. Pendant que j'employais ainsi mon temps de la manière la plus utile, Coralie me contait en peu de mots son histoire. Quelques jours après la comique catastrophe qui me ravit en même temps le père et le fils, un grave docteur, M. Leblanc, me fait la cour, tombe sérieusement amoureux et m'offre sa foi. Je ne puis refuser, puisqu'il est riche. Je l'épouse donc. Tu l'épouses ? Oui, je l'épouse. À l'église. Et je te dirai même quelque chose de plus fort. C'est que depuis 3 mois, je suis fidèle. Mais cela commençait à m'incommoder. Oui, je l'avoue, je ne suis pas faite pour être réduite au calendrier des vieillards. « Madame, en ce cas, je crains bien de n'être pas arrivé chez vous aussi à propos que vous me faites l'honneur de le croire. »« Bon, est-ce que tu veux des compliments ? Ne sois donc pas si modeste. »« Chevalier, pour revenir à M. Leblanc, j'épouse donc. » Il m'amène dans cette maison que je trouve pleine de malades imaginaires et de prétendus docteurs. Mon mari, que chaque jour le magnétisme enrichit davantage, m'enseigne la fameuse doctrine que je pratique vraiment fort bien parce qu'elle m'amuse. Tu sais, mon ami, que je suis née rieuse et que toujours je me suis divertie aux dépens de ceux que j'attrapais. D'ailleurs, on m'éleva pour les tréteaux et le somnambulisme eut presque une comédie publique. D'honneur, au mariage près, ma nouvelle condition ne me déplaît pas. Coralie ne danse plus, mais elle magnétise, elle prophétise au lieu de déclamer. Tu vois qu'il me reste toujours un rôle à jouer et que dans le fond, je n'ai fait que changer de théâtre. Fort bien, Coralie. Mais à présent que j'ai soupé, parlons sérieusement. Tu ne veux pas me renvoyer au dortoir ? Assurément non. Tu consens à passer la nuit avec moi malgré l'hymen ? Malgré l'hymen ? Dis donc, à cause de lui. Chevalier, tu as de l'esprit. Et je suis obligé de te dire que celui qui paye et le mari, c'est la même chose. Et puis, j'ai lu quelque part qu'on avait toujours du goût pour son premier métier. Je n'ai pas oublié le mien, Phoblas. Je sais d'ailleurs que depuis longtemps les honnêtes femmes s'en mêlent. Je te réponds que jamais aucune ne s'en sera mêlée plus volontiers que moi, et pour un plus aimable gentilhomme que celui que j'embrasse. » Je rendis à Madame Leblanc son baiser et repris ainsi la conversation un moment interrompue. « Ton mari, où est-il ? Et ta femme de chambre ne causera-t-elle pas ? Tu as raison. Que je suis étourdi, moi. Il faut la mettre dans la confidence. » À ces mots, elle sonna. La suivante accourut. Sa maîtresse lui dit « Tenez, voilà un louis que je vous donne. Mais ne vous avisez pas de dire à mon mari que monsieur accouche avec moi, car je réponds que vous en avez menti, je vous arrache les yeux et je vous chasse. Allez !» Après avoir prononcé du ton le plus majestueux cette harangue vraiment héroïque, Madame Leblanc entra dans mon lit, où bientôt elle me reçut. Ainsi s'achève le tome 2 des Amours du chevalier de Faublas par Louvet de Couvray.